La fille du pirate, un roman de Henri-Émile Chevalier, lecture par Amila Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creative.commode.org.